ragots, bah régler mes comptes avec l'Empire. Du pull te trait, je peux pas te sentir. Peut-être égoïste quand je pardonne, j'essaie juste de me repentir. J'entends des R dans le fond de la classe, je levais le doigt, mais on me traitait d'incapable. Belle aux femmes qui cachent le haut du corps pour mieux montrer le bas comme le logo Kappa. J'finis ma bouteille, je m'inspire de papa, je marche avec les mêmes têtes depuis le noctant. On a rompu des liens par fainéantise, on crèvera la balle quand elle sera dans notre camp. J'éclate une assiette de pâte, j'entends le voisin du dessus qui pisse après l'amour. Oui c'est nous les plus forts face à 10 pièces rouges, le billet violet n'est pas lourd. J'aime pas parler, le contenu de ma fiole est fini, je vais pas tarder. J'aime pas parler, j'ai piqué tous les lots de la réseau, je vais pas tarder. Faut qu'on t'aille loin de cette merde, faut qu'on t'aille loin de cette merde. J'ai la bac aux fesses, merde. Faut qu'on t'aille loin de cette merde, qu'on sillonne les sept merdes. J'ai la bac aux fesses, merde. Tu réussis, tu te vantes mes potos quand t'es chou, tu me parles de mec double. Jamais avoir quand je donne un refrain, car je sais que la vie être mêle double. Tu me verras pas poser de bouteille en boîte. Le samedi soir, moi je suis bourré dans le bat. Ça fait 2000 km, c'est pas pour les vacances. Non frère, ça va se faire pousser sans cale. 9-3 les feuilles à l'unité. Équipe de rats devant la lime. Bigo éteint, j'avais besoin d'être seul, cramé quelques ouins, genre regardant la lune. La tête sur le capot pendant la palpation, chantait les grammes roulaient le long de ma jambe. Ils se font péter avec des queues truies, ils ressortent libre à toi de penser qu'ils ont de la chance. J'aime pas parler, le contenu de ma fiole est fini, je vais pas tarder. J'aime pas parler, j'ai piqué tous les lots de la réseau, je vais pas tarder. Faut qu'on t'aille loin de cette merde, faut qu'on t'aille loin de cette merde. J'ai la bac aux fesses, merde. Faut qu'on t'aille loin de cette merde, qu'on sillonne les sept merdes. J'ai la bac aux fesses, merde. Pourvu qu'un jour j'aille là où vivaient les géants, technologie noyée dans l'océan. Je me prenais pour un trio, mais je suis le mangeur de pierre, les yeux face au néant. Nique les teubois à la mode, nique les réseaux sociaux, nique les années 2010. Nique le budget serré comme une taille, nique le petit déjeuner, nique le sandwich de midi. J'l'ai pris pour de la maladresse et de la traîtrise. Nique rentrer des ronds si je rends la daronne très triste. C'est que t'as forcément un petit côté Kaira au fond toi frère, si t'as les 11 dans ta playlist. Y'a 10 ans le but c'était qu'à mon âge puisse ouvrir des commerces avec l'argent de la Charger les heures où je vais t'éclater, j'fais des sourires au cœur quand je les croise dans la rue. J'aime pas parler, le contenu de ma fiole est fini, je vais pas tarder. Soirée bonne, je glisse. J'aime pas parler, j'ai piqué tous les lots de la réseau, je vais pas tarder. Soirée bonne, je glisse. Soirée bonne, je glisse. Soirée bonne, je glisse. Soirée bonne, je glisse. Soirée bonne, je glisse. Soirée bonne, je glisse. Soirée bonne, je glisse.